Fast während seines ganzen Fluges hatte der Flieger mit Nebel zu kämpfen. The airman had to struggle with fog practically the whole way. Durant presque tout son voyage, l'aviateur eut à lutter contre le brouillard.